l'Observatoire des relations rurales urbaines et la relation que je veux faire avec l'Observatoire des relations rurales urbaines. Le sujet que je vous présente est un sujet en quelque sorte en construction. Ce n'est pas un sujet par rapport auquel on peut déjà apporter des résultats ou des choses qui sont vraiment démontrées. Et donc, comme un peu c'était la tradition pour l'Observatoire des rapports rural-urbains, ce que je veux vous présenter, c'est finalement une problématique. Une problématique dans laquelle la question des relations ville-campagne intervient. Et donc, comment finalement... Comment se construit une problématique sur les capitales européennes, donc puisque ça va être le titre c'est capitale européenne et leur relation rurale-urbain, capitale européenne face au développement durable, les relations rurales-urbain ou les relations ville-campagne comme piste de soutenabilité. C'est un peu, si vous voulez, le thème. En Argentine, dont je reviens, tout l'ensemble des conférences que j'ai faites était autour, je vous fais passer la thématique de ces conférences, de ces séminaires qui m'a 33 heures de travail, puisque il s'est fait en 10 séances de 3 heures chacune, plus deux conférences après sur le sujet. Et donc, j'avais pris effectivement comme thème ce titre qui en un sens, Et déjà au départ un titre qui montre la difficulté même de cette problématique. Parce que ce titre est au croisement de plusieurs axes de recherche, on pourrait dire. On va y revenir et je commencerai par là. Il est d'abord sur la question des représentations de la relation ville-campagne, des représentations de la ville, des représentations de la campagne et des représentations de la relation ville-campagne. Il est donc dans ce champ de recherche, mais il est aussi fortement donc dans le champ du développement social. Du développement durable, du développement soutenable, lui-même. Alors, le premier champ, est, bien entendu, on y reviendra, mais le premier champ est extrêmement controversé. C'est un champ controversé dans lequel, effectivement, il y a sans arrêt des prises de position pour dire que il n'y a plus d'intérêt. Blurring frontiers, les frontières se brouillent, la question de la relation ville-campagne n'a plus d'intérêt heuristique, on pourrait dire. Donc, premier champ, premier axe, lui-même extrêmement controversé. Deuxième axe, celui du développement durable, qui lui aussi est plus récent, bien entendu, que la problématique des relations ville-campagne, mais qui, évidemment, arrive avec une puissance de discussion, de débat, de controverse. À la fois, c'est une notion dont tout le monde s'empare, mais en même temps, elle est effectivement sous le feu de la critique, sous le feu de l'analyse critique. Et donc, on croise déjà deux champs qui sont des champs où la controverse scientifique est extrêmement importante, controverse scientifique, controverse politique est extrêmement importante. Et en fait, et c'est là où il y a une sorte de défi, on peut dire, j'y reviendrai, le défi consiste finalement à prendre comme objet pour tenter de penser l'articulation entre ces deux champs de recherche, prendre la grande ville, ou la grande ciudad, ou l'agglomération, ou la région urbaine. Donc il y a un choix, en quelque sorte, de l'objet. L'objet est justement, bien entendu, à Buenos Aires, je n'ai pas beaucoup insisté sur les capitales européennes, je les ai quand même présentées, celles qui faisaient partie de la réflexion, mais c'est évident que c'est, au fond, c'est la ville qui symbolise l'État ou la nation. Bon, on verra ensuite. Alors, donc, ce sujet est évidemment extrêmement complexe et assez difficile à mener jusqu'à son terme. Mais aujourd'hui, je voudrais donc tenter de, comme je l'ai fait précédemment, c'est-à-dire tenter de vous expliquer comment on en arrive à poser un tel sujet, c'est-à-dire capitale européenne face au développement durable, la relation rural-urbain comme piste de soutenabilité. Comment on en arrive à cette problématique? Alors, évidemment, si ça ne vous intéresse pas, vous me le dites, hein, mais bon, dans une certaine mesure, ça me donne l'occasion quand même devant vous de refaire le chemin, si vous voulez, le chemin qui mène à poser un problème comme celui-ci. Alors, je partirai justement, et ça, en ce sens-là, je partirai d'un premier axe, hein, qui est justement celui qui a été, au fond, très profondément à l'origine, je crois, de l'observatoire des rapports entre le rural et l'urbain. Donc vous pouvez prendre créé en 98, donc ça fait 10 ans, hein, c'est 10 ans que nous avons essayé dans le laboratoire de construire cet outil de réflexion, observatoire des relations rurales-urbaines. Alors, je dirais d'emblée que c'est la nécessité, l'évidence que il y avait un lien extrêmement fort entre les représentations de la ville et de la campagne et les pratiques politiques, l'effectivité politique dans le champ des relations société-espace. C'est-à-dire que en travaillant l'histoire des représentations de la ville, de la campagne et de leurs relations, en travaillant cette question n'a pas été travaillée pour elle-même, c'est-à-dire comme une histoire des idéologies qui ont qui ont agité les différentes périodes, que je vais balayer, en tout cas pour, au moins pour la France et pour l'Europe. Donc ce n'est pas simplement par goût de repérer, d'identifier qu'est-ce qu'étaient les représentations sociales dominantes dans ce champ-là, comment elles ont évolué, qu'est-ce qui a changé. Donc ce n'était pas tant cela qui était intéressant que finalement le rapport que ces représentations ont avec le réel, avec les faits, avec les le changement social proprement dit. C'est-à-dire avec, l'effet réciproque à la fois des changements dans le réel, sur l'idéal et les idéologies, on pourrait dire, et réciproquement l'effectivité de ces idéologies sur les pratiques territoriales et les changements du réel. Donc en fait, très profondément, donc cette histoire des représentations de la relation ville-campagne est une histoire qui est essentiellement, on pourrait presque dire, pour identifier l'émergence de nouvelles pratiques politiques et de nouvelles conceptions de ce qu'est la relation rurale. Voilà. Alors, ça a donné une analyse, une observation de ces représentations de la ville et de la campagne dans trois sphères. La sphère contradictoire des politiques, où effectivement il y a, on peut observer justement ce décalage parfois, ou cette influence des représentations que l'on se fait et de la ville et de la campagne et sur les pratiques politiques, mais c'est aussi la sphère des controverses scientifiques, qui est elle-même, comme je vous l'ai dit, une sphère extrêmement tendue sur cette question des relations ville-campagne, une sphère extrêmement tendue, et puis si possible, donc la sphère de la société civile, qui d'ailleurs est aussi traversée par ce rapport entre les représentations de la ville et de la campagne, et leurs relations, et les décalages qui s'effectuent entre l'idée que l'on se fait, par exemple, de la campagne, il suffit de dire l'idylle rurale, l'idylle naturelle, l'idylle de la nature, et puis finalement les pratiques qui sont mises en place par les individus et les collectivités. Alors, cette histoire des représentations, c'est déjà un long boulot. C'est un long boulot qui commence dans les années 50, où finalement, tente d'identifier dans le contenu et la définition du rural. Quelle est la dominante idéologique qui prévaut dans chacune des périodes, et également quelle est la dominante du point de vue des faits, comment est pensée la relation rurale-urbain en dominante, et puis les positions dominantes dans la sphère administrative et politique et dans la sphère scientifique. Donc ça donne un grand tableau, si vous voulez, qui pourrait être projeté éventuellement. Mais malheureusement, alors ce tableau, le tableau qui va des années 50 jusqu'aux années 90, ce tableau a été publié dans la revue Pour, dans l'article qui s'appelle « Relations ville-campagne, quel sens, quelle évolution ?» 2004. Et donc, il a été publié, il reprend deux articles précédents, qui sont les articles sur les relations ville-campagne, tous deux parus dans Économie rurale, les relations ville-campagne, et vous l'avez dans la bibliographie que je pense que vous l'avez dans la bibliographie que je vous ai passée, les relations ville-campagne des années 50 aux années 80, puis un deuxième article, les relations ville-campagne les années 90, donc toujours dans Économie rurale, et puis cet article dans Pour, où le schéma évolution des relations ville-campagne des années 50 à l'aube des années 2000. Mais assez vite, dans le début des années 2000, j'ai tenté aussi de faire ce travail, et malheureusement, je l'avais vraiment tout à fait refait mon tableau en Argentine, et je l'ai perdu. Donc, j'ai fait ce matin un vague truc, et ça m'amuse d'ailleurs beaucoup de me dire, est-ce que finalement, ce que j'ai fait ce matin va correspondre à ce que j'ai fait calmement quand j'étais en Argentine, donc évolution des relations ville-campagne des années 2000. Donc, je vais peut-être un tout petit peu m'attarder sur ce point-là, parce que finalement, rapidement, je pense que cette période des années 2000, la plupart du temps, les coupures les coupures historiques que j'ai proposées, évidemment, peuvent paraître absolument naïves parce qu'elles s'égrènent de 10 ans en 10 ans, mais en réalité, c'est pas de notre faute, mais il se trouve que pratiquement à chacune des décennies a été précédée ou au début de la décennie par des événements extrêmement forts qui ont justement une influence sur les idéologies elles-mêmes. Il suffirait de dire, en tout cas pour les années 2000, qu'il est évident que à la fois la question millénariste, mais surtout le 11 septembre, ont été des événements tellement forts qu'ils modifient, ils sont capables effectivement de modifier un ensemble idéologique sur le changement social. C'est un petit peu, si vous voulez, alors c'est accompagné avec la diffusion du développement durable, on y reviendra, mais pratiquement chacune de mes périodes et les ruptures que j'identifie dans ces représentations de la ville de la campagne sont le plus souvent liées, bon je prends l'exemple avant les années 80, incontestablement, la coupure 68 a compté, c'est-à-dire qu'on peut mettre en relation le fait de 68 et une certaine modification de l'idée de ville et de l'idée de campagne et de l'idée de relation ville-campagne. T'as besoin d'une précision, pardon. Comment ? Je perçois le rôle des années 60, de l'idéologie qui ont été développées autour du mouvement de mai 68 et après dans les relations ville-campagne, les nouvelles relations à la consommation, je ne vois pas le rôle du 11 septembre les relations. Alors, je vais essayer de te dire, si tu veux, c'est-à-dire que, à mon avis, les années 2000 vont être entièrement sous l'idée de crise. Crise dans tous les domaines. Crise sur le plan économique, crise sur le plan social, crise dans les rapports entre les peuples, entre les gens, etc. Et que le 11 septembre, de mon point de vue, c'est le premier coup, finalement, à l'hégémonie des États-Unis. C'est vraiment un événement symbolique qui redistribue, au fond, il est, de mon point de vue, bien sûr c'est une interprétation, mais de mon point de vue, il est le signe que les années 2000 sont, on pourrait dire, vraiment sous du point de vue de l'effectivité dans la question des rapports mondiaux, des rapports d'un rapport. C'est-à-dire que ils sont, jusqu'à présent, ces relations ville-campagne ne pourront pas être dissociées de la question de la mondialisation, de la question des rapports des États-Unis avec les autres pays, etc. C'est-à-dire que il ne pourra plus y avoir la même. C'est à travailler, bien entendu, hein, puisque je vous dis que cette partie-là, bien, certainement, les années 2000 sont presque terminées, donc il est temps de faire le point, de faire le travail de mise en forme de cette. Mais je crois que ça ne veut pas dire que un événement, tu comprends, bien sûr, c'est pas seulement mai 68, c'est pas seulement parce que il y a eu les néo-ruraux ou etc. C'est pas seulement pour ça. C'est parce que c'est le signe quand même d'une espèce de mise en cause de la question de la consommation. On pourrait dire que c'est à ce moment-là qu'on a quelque chose qui préfigure ce qu'on va appeler décroissance ensuite, etc. Donc, il y a des moments comme ça qui... Alors, ce n'est pas l'événement au sens de l'événement, mais en ce qu'il bouleverse, il bouleverse l'ensemble des repères et qu'il fait que, finalement, on ne peut plus penser les choses à l'échelle locale, où on ne peut plus penser les choses de la même manière compte tenu d'un événement aussi important qui a été en quelque sorte le signe d'un vrai bouleversement à l'échelle mondiale, d'un vrai bouleversement dans les rapports de production, dans les rapports de force, dans les rapports sociaux à l'échelle mondiale. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Prodrome, comme dirait mon médecin. Comment ? Un prodrome, un signe avant-coureur. Un signe qui ne peut pas, on ne peut pas penser les années 2000, on ne peut pas les penser les années 2000 sans penser finalement quelque chose qui a été vraiment. Bon, voilà, c'est dans ce sens-là que je le dis. Tu vois ? Donc c'est pas. Alors, évidemment, on pourrait dire. Ça va penser pour les capitales européennes. Du coup, tu me fais me projeter dans le troisième point. C'est-à-dire que, au fond, les années 2000 sont aussi, dans une certaine mesure, les années où se jouer à la fois la relation entre deux représentations, deux idéologies, deux utopies, hein, deux idéologies qui sont d'une part, qui sont toutes les deux d'ailleurs mondiales, d'une part globalisation, mondialisation d'un point de vue économique, mais aussi globalisation, mondialisation d'un point de vue environnemental, avec la question du changement climatique qui est aussi, un signe que les choses ne peuvent plus être pensées simplement au niveau local, elles sont pensées au niveau mondial. Il y a une nécessité de penser, y compris les questions environnementales, à cette échelle-là. Hein. Et donc, ça va se répercuter, à mon avis, sur la question de la relation ville-campagne. Hein. J'y reviendrai. Donc, on peut dire deux chocs. Hein, le choc avec une idéologie globalisation et mondialisation et l'autre développement durable si tu veux je vais y revenir hein. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait de mon avis trop long et je vous renvoie et j'espère que ceci pourrait d'ailleurs éventuellement faire peut-être soit quatre pages, soit quelque chose en carnet, ou peut-être à voir. Mais il est évident que, alors ça, ça avait été dit, ça avait été dit dans les périodes précédentes, mais que la question environnementale, la question écologique, bouleverse aussi et la définition de la ville et la définition de la campagne, et que, par exemple, des expressions qui abondent dès le début des années 2000, comme l'expression « nature-ville » ou « ville-nature » ou la « ville-campagne » ou l'expression les expressions ressources, le terme de ressources qui revient très fortement à la fois quand on parle de la ville, quand on parle de la campagne. Donc dans le contenu idéologique de ville et de campagne, se charge en quelque sorte très fortement, non pas de l'idylle, mais au contraire d'une sorte de propriétés matérielles qui font la différence entre ville et campagne. Parce que nature-ville, c'est tout simplement dire qu'il y a aussi de la nature en ville. Alors que jusqu'à présent, nature et ville étaient deux notions contradictoires, et que, en fait, le seul fait de l'émergence d'un terme comme celui de nature-ville ou de ville-nature est le signe, en quelque sorte, de ce bouleversement. Bon, je ne vais pas remettre les choses dans différents points. Ce que je voudrais peut-être, c'est insister sur le fait que nous l'avions fait dans l'Observatoire des relations rurales urbaines, nous avions quand même l'idée que ce qu'il fallait observer, c'était justement ce changement de contenu dans des catégories qui étaient les catégories de ville et de campagne. Bon. Et même si ces catégories se modifiaient, mais on avait assez peu insisté sur la relation elle-même, la relation ville-campagne. C'est-à-dire en quoi cette relation ville-campagne est également l'expression d'une évolution des représentations sociales dominantes, la relation elle-même. Et là, si vous voulez, je voudrais donc reprendre ce que je vous avais déjà plus ou moins fait. C'est-à-dire que, en tout cas, il y a, on peut dire, dans ces années de 50 jusqu'à nos jours, il y a quand même au moins deux représentations de la relation ville-campagne qui sont des représentations contrastées. Et donc l'une, la première, si vous voulez, celle qui dominait dans les années 50, est la relation ville-campagne telle que on peut la trouver dans les écrits ou dans l'ensemble des écrits qui tournent autour de Marx. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la relation ville-campagne, indépendamment des contenus et des défis. Qu'est-ce que c'est que la relation ville-campagne, alors, je ne vais pas vous faire un cours sur cette question, mais je vais simplement insister sur le fait que cette relation ville-campagne est pensée, elle est matérialiste. Dans une certaine mesure, c'est un élément très important. Autrement dit, cette représentation est une représentation matérialiste. C'est-à-dire que ce qui est mis en relation, ce sont à la fois ce sont des des matières d'abord, des matières, des biens. Et ce sont aussi des classes sociales. C'est évidemment des relations qui sont des relations de domination ou de domination de pouvoir. Ce sont des relations politiques. Et donc, dans cette... Et en un sens aussi, le type de relation qui existe entre, d'une part, l'agriculture, la production agricole, les exploitants agricoles, etc., et la ville, les villes, c'est-à-dire les classes bourgeoises, ou au contraire, l'opposition avec la classe ouvrière, qui est une classe considérée comme urbaine, Tout ceci, c'est un système de relations qui est donné comme sous le lit de contradiction, antagonisme, extorsion de la plus-value, rente foncière, accaparement de la rente foncière, et aussi même chaque fois d'un point de vue politique, il y a tout un système d'analyse, de compréhension de finalement ce qui fait cette différence matériellement. On pourrait même dire que bizarrement, là où la vision matérialiste a été la plus importante, c'est quand elle prend la ville comme catégorie de réflexion. Et c'est pas tellement la campagne finalement parce que la campagne est ramenée à la question de la production agricole, de la production de nourriture, etc. Et des classes qui le produisent. Mais dans le fond, il n'y a pas tellement une vision, on pourrait dire, matérielle de la campagne. Par contre, il y a une vision matérielle très forte de la ville et les villes qui ont été décrites à cette époque, à la fois par Engels et par Marx. Eh ben, c'est la ville de Londres, c'est les fumées, c'est la condition ouvrière, c'est la misère, et c'est donc une conception finalement, une représentation de la ville qui est une représentation qui comporte déjà, on pourrait dire, toute une dimension qu'on appellerait aujourd'hui écologique ou environnementale, et qui donc là encore montre à quel point cette relation ville-campagne est envisagée comme elle est une représentation, oui, elle est une représentation, mais c'est une représentation qui tout entière marquée par une vision matérialiste des relations, il faudrait reprendre tout ça, mais très profondément une vision matérialiste de ces relations. Alors, pour mémoire, mais je vais le dire maintenant, à ceci s'oppose très profondément à partir des années 60, 70, à partir de ces années-là, émerge une nouvelle représentation des relations ville-campagne. Une nouvelle représentation des relations ville-campagne qui n'a plus rien à voir avec la précédente. Ou presque plus. Et de ma part, je l'ai appelé en quelque sorte une conception démographique de la relation ville-campagne. C'est-à-dire une conception, on peut dire, une conception statistique, une conception démographique, une conception qui est une conception très fortement liée aussi à un autre grand type d'événement et d'aménagement, d'événement qui est la, l'émergence de l'idée même d'aménagement du territoire, hein, qui est que l'on peut situer justement en contemporain des années 50 et qui va donner son plein dans les années 60. Donc cette vision démographique de la relation avec campagne va prendre des éléments, va donner dans le contenu de la relation des éléments qui n'ont plus rien à voir avec ceux que je vous ai donnés précédemment. Et en fait, il y a, on pourrait dire, deux éléments importants, c'est-à-dire qu'on voit finalement cette relation ville-campagne essentiellement à partir de la question du déplacement des populations. D'ailleurs, ce sont des populations, on ne s'agit plus de classe, il ne s'agit plus de groupes d'actifs, il s'agit tout simplement de populations qui migrent de la campagne vers la ville. Donc il y a le territoire, l'idée de territoire est ramenée non pas à son épaisseur matérielle, non pas à la question du sol, à la question de etc., mais tout simplement un espace neutre sur lequel effectivement les populations se déplacent, migrent de façon définitive sur longue période, ou bien migrent à travers l'immigration quotidienne. Et finalement, donc la relation ville-campagne se réduit à cet aspect finalement de la mobilité qu'on a appelé la mobilité, la migration, etc., l'exode. Et d'autre part, la deuxième caractéristique de cette pensée, cette représentation de la relation ville-campagne, c'est une dimension qui pourrait être considérée comme culturelle, une dimension culturelle, à savoir que, alors, autrement dit, la ville agglomère, la ville concentre, hein, et la campagne se déserte, se désertifie, etc. Et l'équivalent culturel, c'est que la ville, c'est l'urbanité, c'est le progrès, c'est tout. C'est-à-dire que dans l'expression urbanisation des campagnes, quand on dit urbanisation des campagnes, il y a deux choses dedans. Il y a d'une part le fait que, effectivement, de plus en plus, ça va donner l'étalement urbain, c'est-à-dire de plus en plus les gens préfèrent s'agglomérer ou être pas loin de la ville, d'une part, et d'autre part, c'est le fait que l'urbanisation des campagnes, ça veut dire aussi la diffusion du progrès dans les campagnes. Autrement dit, le fait d'avoir une machine à laver, un frigidaire, de produire du maïs, etc., sont les signes non pas d'une modernisation qui s'effectue dans différents lieux de façon différente, mais qui sont tout entières sous le signe de l'urbain. C'est-à-dire, c'est l'urbain, c'est l'urbanité qui est le moteur de la modernisation, du progrès, de la, etc. Et dans une certaine mesure, alors ça, je le mets pour dans cette conception démographique, les choses sont tout simplement une question d'organisation, d'aménagement du territoire. Et bon, il faut essayer d'avoir des limites, les limites entre ce qui est bâti, ce qui n'est pas bâti, le zonage, ce qui est industriel, ce qui n'est pas industriel, tout ce qui va avec l'aménagement du territoire et la question du zonage. Va et, et, et ce, se correspond finalement très, très au sens proprement dit, c'est-à-dire coïncide et parfaitement équivalente à cette pensée donc d'une conception d'un espace disponible, d'un espace disponible et de l'organisation de la mobilité des gens sur cet espace. Et voilà. Alors, on pourrait quand même dire, parce que je ne vous ai pas parlé c'est en faisant cette réflexion sur l'idéologie, les idéologies de la relation de campagne, que finalement, et à partir aussi des travaux de Joëlle Salomon-Gavin, qui ont été aussi pour moi un déclencheur, c'est-à-dire quand elle dit l'idée « la ville mal aimée », hein, c'est-à-dire qu'elle prend un parti pris de travailler sur la ville à partir du fait que cette ville est mal aimée, hein, c'est-à-dire que les valeurs qui sont associées à la ville sont des valeurs négatives. Ceci a fait effectivement remonter l'idée que parallèlement, on peut dire, et je pense que ce parallélisme va jusqu'à aujourd'hui, mais une idéologie, et une idéologie qui est de la relation ville-campagne, qui est une idéologie qui est forte et qui est née à la fin du 18e, avec l'idée que la ville est le mal et la campagne est le bien. C'est qui l'auteur que tu cites ? Eh bien, Rousseau, tout ça. C'est pas l'auteur, c'est-à-dire c'est une idéologie, si tu veux. C'est-à-dire je ne peux pas. C'est ça que j'appelle l'idéologie, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est à la fois, qui a été en même temps écrit. Et je l'ai appelé cette conception. Je l'appelais une conception moraliste de la ville et de la campagne. Les hygiénistes qui ont repris beaucoup ça. Et alors, ça va reprendre. 20e, oui. C'est-à-dire, et on peut dire qu'il y a aussi. Alors, redisons très, très simplement, vous le trouverez très bien dans un des chapitres de Joël sur la ville mal aimée, où elle a essayé justement de faire un peu comme j'essaye de faire, c'est-à-dire ce travail de repérage. De repérage presque sémantique, hein, ce repérage. Joël Salomon-Gavin, la ville mal aimée. Je ne l'ai pas apporté, Elle est à Genève, je pense que ça a été publié à Genève. Ça a été publié à Lausanne. Lausanne. Presse de l'université de Lausanne. Et donc, disons que il y a donc. On peut dire presque permanent, une sorte de représentation de la relation ville-campagne qui est une représentation moraliste. Elle n'est pas en ce sens que vous trouverez les figures, et dire elle fait de la ville le lieu du vice, parce qu'il n'y a pas de sol, parce qu'il n'y a pas de village. Parce que c'est, etc. C'est-à-dire tous les éléments négatifs de la ville, en fait, ce sont des éléments qui sont au fond positifs du côté de la campagne. Et on a donc une conception qui ressurgit aussi. C'est-à-dire que le contenu va être différent, mais quand même très souvent. Alors ça, c'est Je ne l'ai pas dit, mais on en trouve vraiment des traces très importantes, justement quand on fait des entretiens et des enquêtes parmi les gens ordinaires. Je ne l'ai pas là parce que j'ai plus ou moins, oui, c'est un truc que j'ai perdu aussi, c'est pareil, j'ai perdu. Un petit entretien, donc si je lis peut-être dans mon. Mais juste pour vous montrer que c'est quelque chose qui persiste, j'ai dû le noter là, dans mon agenda. Voilà. Je vous fais ce tout petit. C'est peut-être sur mon autre agenda. Mmh. Oui, c'est peut-être. Bon, peu importe. Non, pourtant, c'était. J'ai l'impression que c'était là. Non, voilà, voilà. Oui, les gens de la campagne justifient souvent leur préférence de ce lieu pour des qualités. Non, c'est dans mon autre carnet. Mais je vous raconte, je vous le dis en quelques mots, mais c'est beaucoup plus joli parce que j'ai repris les mots de. C'est donc un taxi qui vient me chercher à la ruche, et à 6h du matin, il fallait que j'aille à Saint-Lazare. Et donc, il m'attend devant la porte de la ruche, et puis je sors, et il me dit, mais d'où vous sortez? Vous sortez du bois? Alors, le loup qui sort. Parce qu'il dit, il faisait noir, hein, mais vous sortez du bois. Alors je lui dis, maintenant, vous voyez, je rentre dans le taxi, il me dit oui, parce que j'ai cru que vous sortiez de mon village. Alors, il est du Congo. Il me dit tout de suite, je suis du Congo. Et il me dit, mais j'étais étonné, je vois que vous sortez du bois quand il y a tout. Il y a, comme si, ça c'est moi qui rajoute, il y a du bois dans la ville, donc il y a des bois. Elle me dit, mais parce que moi je n'aime pas la ville. Il dit, je n'aime pas la ville. Et parce que, alors on commence, il dit, on est toujours sur le béton. On est toujours sur le béton. Alors on continue, on traverse, on va à la Madeleine, il dit, évidemment, c'est beau là-bas, c'est beau cette place, la place Concorde à Madeleine, c'est beau cette place. Mais c'est pour les touristes, parce que ici, c'est pas la vie. C'est pas la vie. J'ai les mots, hein, c'est de mémoire que je dis. Parce que quand on est dehors, c'est le ciment. Quand on est dans l'appartement, c'est le ciment. Moi, j'ai besoin du sol. Et après, il continue, il me dit, ben, d'ailleurs. J'ai fait une maison dans mon village au Congo, et j'ai fait percer un puits où il y a de l'eau minérale. Sic, il me dit, il y a de l'eau minérale dans ce puits. Alors je lui dis, mais alors je le laisse parler. Il me dit, et d'ailleurs c'est ma femme a apporté au village des lotions pour la figure, pour le corps, pour etc. Mais là-bas, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, ma fille m'a dit, mais comment ça se fait? Tes cheveux ont repoussé. Il a dit, mais c'est l'eau minérale de... Et il me dit, il continue, il dit, vous savez, bon, ma fille, elle est... Alors, sa fille était docteur de je sais pas quoi, biologie, je sais pas quoi. Donc, et puis, j'ai une autre fille. Et ça, l'entretien se termine comme ça. J'ai mon autre fille. Et je l'ai appelée parce que moi, j'aime la nature. Elle dit, j'aime pas la ville, j'aime la nature. Et il dit, je l'ai appelée naturelle. Elle est à l'école à Fontenay-sous-Bois. Voilà. Donc, ce petit entretien, si vous voulez, qui montre à quel point... Comment peut-on ne pas réfléchir à ce que ces représentations de la ville et de la campagne sont, effectivement, elles peuvent prendre des formes différentes, mais elles font partie de la réflexion, de la réflexion quotidienne. Bon, passons. Pour vous montrer à quel point quand on cette petite anecdote, si vous voulez, pour montrer qu'on peut avoir dans cette conception démographique, là où elle est, elle a fait un ravage, en quelque sorte, cette conception démographique a fait un ravage dans toutes les pratiques politiques, les pratiques politiques territoriales. Et ce n'est en rien, ces politiques territoriales, ces pratiques d'aménagement du territoire, n'est, en un sens, ne prenez en compte ni, finalement, la représentation matérialiste telle qu'on peut la trouver dans la représentation de type marxiste, ni non plus, forcément, la manière dont la conception moraliste est chez les gens. Parce que la conception moraliste, quand elle s'infiltre dans la sphère politique proprement dite, à ce moment-là, elle prend des aspects qui sont les aspects de la classe dominante, de l'élite, et pas du tout celle qui est dans les gens eux-mêmes. J'en prends un exemple, toute la fameuse discussion sur l'espace ouvert, le mitage, le paysage mité, etc. Toutes ces discussions-là, ce sont des discussions qui ont une certaine apparence, effectivement, de la conception moraliste, c'est-à-dire, autrement dit, il faut, d'ailleurs, ça continue, la ville compacte, c'est forcément une ville qu'on doit aimer, et l'étalement urbain, le paysage, etc., c'est forcément quelque chose qui est mal, mais on voit bien que l'intersection entre la représentation morale et la représentation démographique n'appartient qu'à une certaine catégorie de gens, c'est-à-dire cette élite qui considère que l'espace ouvert est supérieur esthétiquement et de toutes les façons à l'espace qui est alors fermé. Bon, mais est-ce que vraiment on a demandé aux gens s'ils préféraient vivre dans un espace ouvert ou dans un espace fermé, d'autant plus que cet espace ouvert peut très bien s'accompagner de très fortes pollutions, comme tu le sais, par exemple, par rapport au vaccin, etc. Voilà. Donc, alors, la deuxième question, donc j'en ai fini pour l'histoire des représentations sociales, à la limite, jusqu'aux années 2000, puisque la question que je pose maintenant, c'est la suivante, c'est-à-dire, est-ce que l'idéologie émergente et qui est proche de devenir elle-même une idéologie dominante, celle du développement durable, est-ce que l'irruption de l'idéologie du développement durable a un effet sur les représentations de la ville, de la campagne et de la relation ville-campagne. Et donc, bien entendu, une petite incise sur le fait que cette idéologie du développement durable, que l'on dit équivalente à l'aménagement du territoire, puisque le ministère s'appelle ministère de l'écologie, MEDAT, et de l'aménagement du territoire, comme si il y avait un équivalent entre le développement durable et l'aménagement du territoire. Ça, c'est la chose officielle. L'aménagement durable. Comment ? C'est l'aménagement durable. Oui, mais on dit aménagement durable, mais dans le ministère, ça s'appelle développement durable et aménagement du territoire. Donc, comme s'il n'y avait pas de il y avait une équivalence admise, évidente, entre les deux, sans aucune réflexion, sans aucun retour sur... réflexif sur le fait que il y a probablement effectivement quelque chose qui se pose dans des termes complètement différents avec cette nouvelle idéologie du développement durable. Bon, je ne vais, m'attacher sur ça, mais ce que j'ai simplement à dire, c'est que, bien entendu, il faut en faire une critique sévère de cette idée, de cette nouvelle idéologie, et il faut surtout en faire une critique en montrant comment l'appropriation de cette idéologie et son usage sans véritable réflexion sur est-ce qu'il s'agit d'une coupure, est-ce qu'il s'agit d'une rupture ou non, fait que la plupart du temps, il y a donc un recyclage des anciennes politiques de toutes sortes, un recyclage sous couvert de développement durable, et à tel point que, par exemple, là je renvoie à un texte de Rompala, qui sont les économistes et sciences politiques qui travaillent sur le développement durable, et qui font de la notion, au fond, une rhétorique énorme, qui est une rhétorique, justement, de sortie de crise, c'est-à-dire une rhétorique dont la finalité est tout simplement une finalité de donner l'illusion, peut-être, alors ça c'est moi, c'est un mot de moi, en tout cas, de donner une vision de ce qui pourrait être sortir des crises économiques, sociales, écologiques. Et donc, un énorme. Alors, pour moi, le développement durable, dans le développement durable, j'ai essayé d'affronter, de mettre face à face cette nouvelle idéologie avec celle de l'aménagement du territoire. Et de montrer que, justement, il y avait dans la nouvelle idéologie quelque chose qui n'était absolument pas présent dans l'idéologie de la planification territoriale ou de l'aménagement du territoire, qui était la question de l'articulation, de la conciliation, de l'éventuelle possibilité de concilier à la fois la dimension économique, la dimension écologique et la dimension sociale, des problèmes qui sont à affronter à la fois au niveau local et au niveau mondial, à tous les niveaux. Et donc, que finalement, il y avait, bon, bien sûr, on peut dire, alors, les générations futures, évidemment, la prise en compte du long terme, les générations futures, mais d'une façon générale, on peut dire que c'est une idéologie. Pour moi, je la vois comme une utopie. C'est une utopie politique. C'est une nouvelle utopie politique. Et dans une certaine mesure, c'est elle qui nous fait comprendre, à rétrospectivement, que l'aménagement du territoire, dans le fond, qui est cette construction politique de l'après Deuxième Guerre mondiale, qui a touché à la fois les pays socialistes comme les pays communistes. Bon, et en fait, si on rentre dans les détails, on sait très bien qu'en réalité, c'était pratiquement la même conception. Alors, c'était pas la même conception sur le plan politique du point de vue de démocratie, etc. D'accord, peut-être, mais du point de vue de la relation entre espace et société, c'est-à-dire le changement social pris dans la dimension, dans la relation espace-société, il y avait en fait assez peu de différence entre, entre, entre les deux, entre les deux conceptions que j'appellerais de toute façon, des deux côtés, une conception démographique, statistique et d'organisation de l'espace. Voilà. Alors, là, il y a quand même un phénomène différent, donc une utopie, hein, une utopie que je dis une utopie politique, parce que finalement, ça tombe sous le sens, sous le bon sens. C'est que, en fait, c'est carrément impossible. C'est-à-dire qu'il est bien évident que la conciliation de la dimension économique, écologique et sociale dans tous les espaces et à tous les niveaux est une véritable c'est une aporie, c'est carrément quelque chose d'impossible, hein. Et donc en un sens à la limite n'ayant aucune illusion sur la possibilité, l'effectivité d'une telle idéologie, d'autant plus que la plupart du temps elle se ramène très vite aux deux dimensions, les deux dimensions les plus importantes, qui sont la dimension économique, qui va très vite, c'est-à-dire que en Argentine il y avait par exemple j'ai eu un rapport avec le directeur du développement durable à Saint-Gobain. Le directeur du développement durable, il fait des tournées, il fait des tournées dans tous les conseils régionaux, les conseils généraux, etc. Et il vend sa pratique de développement durable aux collectivités locales, etc. etc., etc. Bon, et puis toi, tout le monde le sait. C'est-à-dire que tout le monde sait que le premier lieu dans lequel il y a effectivement un investissement important et précisément la dimension économique. Bon, la deuxième dimension, parce qu'elle avait infiltré très largement toutes les périodes précédentes du point de vue de la relation ville-campagne, c'est évidemment la dimension environnementale, qui elle aussi, dans une certaine mesure, va assez vite dans le sens où il peut y avoir assez rapidement, pas besoin de te dire, la patrimonialisation, les paysages, les réserves, etc., toutes les dispositions qui en principe se font sous les parcs nationaux qui deviennent durables, les parcs régionaux deviennent durables, toutes les formes qui ont mis en exergue la question de la protection de l'environnement et etc. Bon, dans une certaine mesure, ça va assez vite. D'autant plus vite que si ça se marie avec la dimension économique, ça va assez vite. Dans tout ça, la question sociale reste la dimension complètement orpheline du développement durable. Alors il y a bien quelques personnes qui disent « Ah oui, mais le développement durable est avant tout social, c'est une question de mixité, de ci, de ça, de ça. » Mais bon, dans une certaine mesure, l'articulation n'est pas faite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'articulation. Autrement dit, donc, c'est une utopie. Alors, mais dans une certaine mesure, je pense que elle touche déjà. Alors, et c'est ça qu'il faut observer, en quelque sorte, c'est que ça touche à la fois le contenu de ville et campagne, et ça touche aussi la relation rural-urbain. Et l'hypothèse que nous faisons, c'est que, en fait, c'est une idéologie qui rematérialise la relation ville-campagne. C'est-à-dire qui la fait revenir à des, à un contenu de la relation qui est un contenu qui n'est pas que culturel ou qui n'est pas, mais qui reprend en principe, au fond, les dimensions fondamentales que sont les dimensions physiques des problèmes, les dimensions écosystémiques de la relation, mais aussi qui reprend de façon très, très profonde, très profondément aussi, la question de classe, la question des classes, c'est-à-dire la question des rapports sociaux eux-mêmes, entre ceci ou ceci, alors on va dire entre ville et campagne, là, effectivement, tout commence, en quelque sorte. Mais l'hypothèse de fond, hein, c'est que cette... Parce que, dans le fond, on peut dire que les problèmes qui sont posés, ils sont de plus en plus posés à travers la relation ville-campagne. Ça va être, par exemple, le problème de l'eau. Eau des villes, eau des champs. Le passage de l'eau. Ça va être aussi la question du métabolisme urbain. Quel est le rapport entre finalement les flux internes, les flux externes et l'organisme urbain lui-même. C'est évidemment, et ça, c'est pour ça que la dernière séance avec Claire Lamine en particulier était particulièrement intéressante, c'est à nouveau la reprise de la relation sous la forme des systèmes alimentaires, de la question de l'approvisionnement, de la question des produits. Et oui, je sens des hypothèses, mais si tu veux, ce que je crois, je vois que tu te bloques, mais bon. Il y aura un débat, il faudra laisser du temps pour le débat, très très important. Continue, te laisse pas impressionner. mais si tu veux. Je crois que on est à un tournant, un tournant où finalement, sous l'effet de cette utopie, sous l'effet peut-être de cette utopie, il y a une sorte de résurgence d'une vision de la relation qui est une vision qui est réaliste, je dirais matérialiste, réaliste. C'est-à-dire qui ne se contente pas, la représentation elle-même devient réaliste. Elle est plus réaliste qu'elle ne l'était dans la conception démographique. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas sa dimension culturelle, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais en quelque sorte, il y a une sorte de... On permet de revisiter cette relation... En utilisant à la fois, alors j'ai essayé de le mettre sur un petit bout de papier, mais j'ai perdu le papier. Ça s'en insiste d'une part, on pourrait dire sur une double gouvernance, hein, gouvernance des lieux, gouvernance des flux. C'est-à-dire que il y a une sorte de plus grande attention, et le rural et l'urbain seraient des éléments. Ce seraient des catégories qui ne sont pas des catégories fixes. Vous avez bien compris que chez moi, ce n'est pas une catégorie fixe, mais c'est une représentation qui permet effectivement d'aller d'une part vers la différenciation des lieux, c'est-à-dire vers une différenciation de l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'autre, hein? L'autre est peut-être très proche, mais il est aussi un peu différent. Autrement dit, aller vers une différenciation, y compris de la ville, de l'idée de ville. C'est-à-dire que la ville n'est pas une entité comme démographique, une agglomération, etc. Mais une ville, elle est faite d'un tissu physique, d'un tissu social, d'une relation entre le tissu physique et le tissu social. Elle est faite de, comme l'ont mis en évidence à la fois Vendry, Ussy et toutes les gens qui ont travaillé avec moi, elle est faite de milieux de vie. Elle est faite de milieux de vie. Donc, et en même temps, du côté de la campagne, bon, évidemment, on peut, dans une certaine mesure, on ne peut pas nier que il y a des, on pourrait dire, une morphologie, des différences morphologiques. Est-ce que c'est une morphologie sociale? Est-ce que c'est une morphologie spatiale? Mais on est, ça nous, ça, cette histoire de développement durable oblige à une nécessité de différencier les lieux. C'est-à-dire, c'est fini les abstractions, la métropolis, la région urbaine, les entités, les catégories qui sont des catégories comme ça, qui dans le fond, on sait même plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, hein? Les réseaux de villes, les etc. Bon, mais c'est quoi un réseau de villes, d'accord, mais les villes, c'est quoi ces villes? Autrement dit, ça oblige à reconsidérer les milieux et qui composent la ville, les lieux de vie, et qui composent, et de les reconsidérer du point de vue des habitants. Alors ça, c'est-à-dire de les reconsidérer du point de vue des individus qui y vivent, qui les traversent, qui les, etc., et non pas seulement comme des entités abstraites issues essentiellement d'une vision statistique des choses, qui ont fait que finalement on a pensé toutes ces catégories spatiales comme à partir finalement de d'outils qui étaient des outils statistiques, hein. Bon, l'aglo, machin, etc., etc. Bon. Et puis deuxième point, la campagne, pareil. C'est-à-dire que au fond, c'est vrai que la campagne explose. C'est-à-dire que la ville explose, le contenu de la ville explose, et le contenu de la campagne également explose. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, on revient aussi à un système de différenciation, car s'il y a éventuellement effort de conciliation entre l'économique, le social et l'écologique, ça ne peut être que dans des configurations qui sont des configurations exactes. Autrement dit, je ne sais pas, si je ne suis pas capable de savoir quel est le rapport que ça pourrait avoir avec l'idée de morphologie sociale. J'ai relu le texte de Mauss, si tu veux, mais autrement dit, bon, quand sort aussi étudie ces gens, il les étudie, il ne prend pas le monde, il prend des entités dans lesquelles on peut effectivement comprendre la relation qui est, ou essayer de comprendre la relation qui existe entre le milieu physique, la pratique, les pratiques techniques, les systèmes techniques et le social, et les individus et les groupes, etc. Donc la campagne, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des agriculteurs comme ça en soi, mais on est obligé de dire, mais quels agriculteurs, celui-là, le voisin, comment il est, etc., etc. C'est-à-dire que tout redevient une manière de différencier les lieux et les milieux de vie par le système de relations qui existe entre les différentes dimensions du développement durable. Et puis, le deuxième point, encore beaucoup plus important, me semble-t-il, enfin, celui-là est quand même très important aussi, parce que c'est une remise en cause même de remise en cause de l'idée de ville, en particulier de l'idée de ville, de l'idée de campagne, de la relation, c'est une remise en cause. Et encore plus important est la question des flux, la question du, on peut dire, la question du rapport entre écosystème et sociosystème, cette relation. Bon, je ne vais pas le dire. On, comprend pourquoi. On comprend pourquoi il y a ce retour à l'agriculture, à la nourriture, au système alimentaire. Donc ça, c'est évident. Ça se voit dans les... ouvrage, on dit ça. Voilà, ce livre qui est paru en... Bon, il est déjà en 2007. Global Governance of Food Production and Consumption. L'idée de comprendre qu'est-ce que c'est que la production alimentaire, c'est quoi, et comment se font les circuits, tout ceci, c'était devenu obsolète, presque à la limite, dans l'autre représentation des relations de campagne, c'était devenu obsolète. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit à Claire Lamine, les rares personnes qui, dans les années 70, ont tenté de dire qu'il y avait quand même à observer, hein, dans la relation vie-campagne, la question de l'approvisionnement, tout simplement, de l'approvisionnement des villes. Cette question est devenue absolument obsolète, elle n'existe plus, c'est-à-dire plus personne n'est capable de dire pour un certain organisme, comme c'est dans une... Mais d'où viennent les produits, d'où viennent les nourritures qui sont importées à l'intérieur. Bon, c'est, en un sens, c'est Rungis. Bon, peut-être pour Paris, c'est Rungis. Mais je veux dire, comment ça passe, comment ça circule, comment s'approvisionne, par exemple, là, je passe presque à ma dernière... Comment s'approvisionnent les Chinois de Choisy, du quartier de Choisy. Et ben, finalement, après, on s'aperçoit que les Chinois du quartier de Choisy s'approvisionnent en grande partie par des produits qui sont produits localement. En grande partie. Donc, évidemment, il y a de l'importation, évidemment. Mais ben, on va pas évidemment importer certains. Mais pour certaines, par exemple, le soja, certains légumes, etc., ce sont des légumes qui sont produits à proximité de la ville ou dans la ville. Donc, tout ce chantier qui a été complètement abandonné, c'est pareil pour l'eau. Hein. Bien sûr, il y a eu des choses qu'on connaît le système d'assainissement, on connaît c'était dans le Pyrénées, là, ils ont fait tout un travail sur ce fameux épurateur, là, j'ai oublié le son nom. Bon, mais ce sont des choses qui ont été étudiées de façon ponctuelle. Mais la question de la relation, la question des flux, la question de comment ça se passe, etc., cette question a été entièrement abandonnée. Et donc, dans une certaine mesure, il me semble que c'est un peu cette nécessité de comprendre l'interaction, de comprendre ce qui fait, ce qui est en interaction, qui devient en quelque sorte une question qui est dominante, mais elle est dominante aussi parce que effectivement l'idéologie de l'interaction est dominante. L'idée d'un rapport, d'une relation, d'une interaction, d'une complémentarité. Bon, je ne mets pas pour le champ de politique. Alors, j'en arrive, vous voyez, oh là là. Bon, j'en arrive au point principal, c'est-à-dire le détour que j'ai été obligé de faire, mais j'en arrive au point principal, c'est-à-dire pourquoi prendre les capitales européennes. Parce que c'est ça la chose qui... Pourquoi les capitales ? Pourquoi prendre les capitales européennes? Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine séance. Alors, le problème, on peut dire, c'est le défi. C'est comme une sorte d'observatoire. Ce serait l'observatoire privilégié de l'interaction entre développement durable et relations rurales urbaines. Comme une sorte de... Bien sûr, c'est monstrueux de le prendre comme ça. Mais profondément, et si on est capable de le prendre comme lieu d'observation d'une relation entre une idéologie émergente qui domine et qui devient dominante, et finalement le besoin qui est incontestable de revisiter autrement la relation rurale-urbaine, pourquoi ne pas prendre les capitales européennes, les capitales, les villes capitales? Pourquoi? Parce que, dans une certaine mesure, les villes capitales, donc, elles sont d'emblée dans la contradiction. J'ai vu que Saskia Sassen était là, et Cyria Lilionov l'avait dans un petit article dans Le Temps de l'environnement, c'est un article tout à fait excellent, montrer qu'il y a une contradiction, effectivement, entre ville globale et ville durable. C'est une. Et les capitales, quelles qu'elles soient, les capitales se doivent d'être des villes globales. C'est presque leur fonction. En tout cas, elles doivent se poser la question. Et quand j'étais à Asunción, dans le Paraguay, je me disais, Asunción, 5 millions d'habitants, le territoire à 5 millions d'habitants, la ville à 800 000 habitants, et en fait, quel est le chemin pris par qui sera pris pour que cette ville s'est posée, cette ville soit une ville capitale, et en même temps une ville globale. Bon, c'est pas rien n'est fait, parce que dans une certaine mesure, il y a des tensions énormes entre une façon qui serait, on peut dire, un prolongement de l'État. Je veux le dire pour Helsinki, un prolongement de ce qui est la représentation des relations ville-campagne et les faits de cette relation ville-campagne. Autrement dit, que les gens au fond, le centre-ville est très peu, il est lié au gouvernement, une place, etc. Mais en fait, il y a un étalement, on pourrait dire, un étalement très grand. Et une certaine possibilité d'occuper, au fond, que ce ne soit pas Asunción qui soit la ville globale, mais que ce soit le Paraguay, tout simplement, qui soit à la fois global et durable. Et au fond, rien n'est fait encore. C'est-à-dire, on est dans ce moment où les jeux. Je reprends l'exemple d'Helsinki. Alors, donc, du coup, le projet européiste, donc, les villes capitales comme lieu d'observation de la relation rural-urbain et dans son interaction avec le développement durable. Alors, les sept villes, bon, alors du coup, j'ai du papier. Ville, mais c'est en anglais. Alors, si vous voulez, voilà, j'en ai un petit exemplaire. Non, j'en ai que trois. Donc, les villes. Les villes et la sélection des villes. Bon, je fais passer ça. Et puis si ceux que ça intéresse, je fais aussi passer les partenaires. Les partenaires, bonjour. Les bibliographies, vous en restez plus? Hein? Parce que vous avez donné en début de séance des bibliographies, non? Vous en restez plus? On fera l'introduction au séminaire avec la bibliographie, t'en as pas fait faire tirer quelques-uns? On peut le faire. On fera tout à l'heure. On peut le faire, oui. Si j'ai une question, parce que déjà j'ai mis presque une heure pour réinstaller mon imprimante parce que mon ordinateur a lâché là, donc je suis sans ordinateur depuis presque un mois, donc j'ai quand même fait ça, mais j'ai pas fait beaucoup, quoi. Oui, non, mais on fera ce qu'il y a, c'est très bien, hein. Alors Prenons l'exemple. Je ne vais pas rentrer parce que d'abord. On se fixe un temps pour pouvoir. Vous arrêtez. Oui. Vous arrêtez. J'ai pas réussi à vous faire comprendre. Enfin, j'espère quand même que je vous fais comprendre que bon, c'est un double défi, quoi. Autrement dit. D'ailleurs, j'étais très contente parce que quand j'étais là-bas, j'ai été là-bas et il y a eu des ruralistes qui sont Albin Ladejo et Bernard Hubert. Ils avaient un colloque dans une ville à côté. Et alors ils ont dit, mais comment ça se fait? Il y a Nicole Mathieu qui a été invitée à faire un truc. Et comment ça se fait qu'on n'en ait pas été averti? Alors, les gens ont répondu, mais vous savez, nous, on n'a pas compris, parce que nous avons invité une géographe urbaine. J'étais fière comme tout. Parce que finalement, voilà aussi ça. Hein, c'est-à-dire que on ne doit pas se laisser assigner dans un compartiment scientifique définitif. On n'est ni ruraliste, ni urbain. On n'est ni sociologue, ni... Enfin, on est dans un processus de recherche par rapport à des questions qui se posent. Et par rapport à ces questions qui se posent, on fait de son mieux, on mobilise les disciplines ont un capital incontestable. On mobilise ce capital, mais on sait aussi en même temps que, voilà, on n'a pas l'identité, son numéro déjà marqué dans l'oreille avant de pouvoir avancer. Et donc, dans le fond, j'étais très heureuse parce que, alors ils ont dit, ah bon, c'est une géographe urbaine. Ah ben nous, on la connaît comme ruraliste. Ils la connaissent comme ruraliste. Et ils connaissent tellement les ruralistes du CNRS qu'ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils font pour les éliminer du processus de recherche. Ouais, bravo. Voilà. Enfin, donc, Bernard Hubert connaît des membres de notre laboratoire. Mais oui, mais t'inquiète pas, mais c'est lui. Oui. Justement, c'est lui qui a fait, ah, tu es géographe urbaine. Ah bon, oui. Ah, je te croyais géographe ruraliste, justement. Je ne suis pas géographe ruraliste, je suis tout ce que tu veux, mais je pose des questions, mais personne ne va essayer de m'enfermer dans un compartiment, hein, en plus ensuite pour me rabaisser, pour nous rabaisser. Parce que c'est ça la question. Oui, je vois qui. Pareil. Alors, Helsinki. Helsinki, c'est une capitale, elle aussi, elle est à peine frise le million, pas tout à fait le million d'habitants. Et en fait, on s'aperçoit, oui, parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est qu'il y a une variation, je vous ai mis dans une variation dans le temps de l'histoire de ces représentations. Du rural, de l'urbain et de la relation. Mais c'est aussi quelque chose qui varie selon les sociétés et les États. Hein. Helsinki, bon, c'est une ville, bah, déjà c'est une ville de type où les relations ville-campagne sont plutôt de type du nord. Hein. C'est-à-dire que, comme Stockholm ou comme d'autres villes, c'est-à-dire qu'au fond, ce sont des villes qui ne sont pas serrées, qui ne sont pas agglomérées. Hein. Elles sont, disons, il y a évidemment, il y a un centre avec un opéra, des bâtiments administratifs, etc. Mais en fait, il y a une proximité, on pourrait dire. Une proximité de la nature et dans la ville. Autrement dit, si vous avez envie de tremper votre pied dans la mer, eh ben vous faites un petit chemin et puis on n'est pas, c'est pas la Seine, si vous voulez. vous pouvez y aller et vous mettez votre pied dans... Vous cachez dans un buisson si vous avez envie de faire quelques besoins. Ça peut se faire dans la ville, au centre-ville. Ce n'est pas une conception matérielle de la ville. C'est particulier. Et en même temps, il y a aussi quelque chose qui est très, très important à comprendre, c'est que les gens, qu'ils soient d'origine suédoise ou qu'ils soient d'origine finlandaise, puisqu'il y a les deux langues, la langue suédoise et la langue anglaise, la langue finlandaise sont à égalité. Dans les panneaux, il y a les deux langues, partout il y a les deux langues. Bon, mais les gens ont un rapport à la nature, on pourrait dire entre guillemets, à l'habité de campagne, qui est un rapport absolument ordinaire. Autrement dit, dès qu'on peut, on a son petit, alors on n'a pas une grande maison, on a un petit cabanon, une petite cabane, et on va dans les bois ou au bord d'un lac, ou etc., avec le sunat. Bon, c'est une autre manière d'habiter, et dans une certaine mesure, donc il y a une dispersion énorme. Autrement dit, il y a des petites maisons partout, un peu partout. Hein. Et donc dans une certaine, on pourrait dire, c'est un paysage mité. On pourrait l'appeler comme ça, un paysage mité. Mais en fait, c'est pas du tout un paysage mité. C'est le paysage dans lequel les gens exercent leur relation ville-campagne. Et donc, alors en plus de ça, du point de vue social, il y a quand même quelque chose qui est assez important, justement, cette espèce de... Et très curieusement, ils l'ont associé à l'idée de ville et campagne. Autrement dit, ville, c'était la population... Alors, je vais me tromper, parce qu'il faudrait que je retourne dans les textes eux-mêmes, mais ville, c'était la population suédoise. Hein. Et campagne, c'est plutôt la population finlandaise. Mais d'un autre côté, ils ont toujours, justement, politiquement, dans l'histoire des relations politiques, toujours essayé de préserver un certain équilibre. Du point de vue de la différence des langues et de la différence des peuples, de préserver une certaine égalité entre ces deux populations qui sont des populations plutôt rurales, plutôt urbaines. Bon. Et donc, ça a été toujours un point. Alors, autrement dit, c'est cette manière d'avoir une représentation des relations ville-campagne et en même temps d'avoir des pratiques qui sont assez proches de l'idée de cette relation. Et finalement, on pourrait dire c'est des... C'est pas pré-marxiste, c'est pré-développement durable. C'est-à-dire, c'est une situation... Ah oui, j'ai pas aussi dit énormément de relations, l'organique, les marchés organiques, la relation avec... Le bio. Oui, alors ils appellent ça organic food. Organic food est absolument... C'est partout, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire qu'on cherche ce qui n'est pas organic food. C'est l'inverse de nous. Hein. C'est l'inverse de nous. C'est-à-dire qu'il faut être. Faut vraiment. Oui, alors, ou alors ça se trouve. Justement, ce sera. Mais c'est presque. Donc, plein d'éléments, plein de choses qui sont, on pourrait dire, pré-développement durable. Hein. Or, précisément, ce qui se passe, c'est que Helsinki, qui se doit d'être ville globale, hein, ville globale à la fois, fait les éléments pour être ville globale, mais importe en même temps que cette idée de ville globale une représentation de la ville et de la campagne qui est exactement la représentation des années 60-70 pour nous, c'est-à-dire la conception démographique des relations ville-campagne. Et voilà que, par exemple, se pose la question de créer à côté des Ilkis une ville nouvelle. Hein, pour justement pour empêcher l'étalement urbain, les migrations, etc., etc. Donc, en un sens, ce qui est intéressant, finalement, dans ce travail que nous devrions faire sur ces capitales européennes, c'est justement de confronter le moment et le tournant, on peut dire, le tournant du développement durable, en quelque sorte, avec les cultures, oui, les cultures de la nature, les cultures de la relation ville-campagne, et qui sont celles, finalement, présentes dans les différents pays qui sont partenaires de ce projet. Voilà. Et en particulier, donc, le rapport, alors je reprends, le rapport à l'eau, le rapport à la nourriture, le rapport à la question du climat, des différents... Et en même temps, effectivement, la conception de la différence entre les lieux, qu'ils soient ruraux ou urbains. Voilà, je suis à peu près tombé sur le pied. À peu près.